quoi ces cris? Que faites-vous devant ma porte? Parlez. La nouvelle est mauvaise. Il faut la dire. Vite! Phèdre. Vous mentez. Phèdre, morte. Phèdre, pourquoi? Le temps de fermer les yeux. Tu m'as échappé comme un oiseau de ma main entrouverte. Ne me déserte pas. La terre est une maison vide. Maintenant, j'irai où vont les morts. J'habiterai ta nuit. Pourquoi? Qu'on me réponde! Mon fils, tu veillais sur elle. Hippolyte, il me reste encore quelque chose à apprendre. Cette écharpe qui serre sa gorge. Je la connais. C'est là! Que tu voulais, tu l'as prise comme un voleur, elle a préféré mourir à la honte de me revoir. Ne parais jamais devant moi, qu'on invente des dieux pour te frapper à ma place. Que ma haine soit ton ombre. Que la foudre arrache ce qui était mon fils. mêlé de sa tendresse. Adieu, vous tous. Je m'évade de votre terre. Encore plus vite. Taisez le rocher. La vague. Je ne voulais plus. Hippolyte, Phèdre, ne me laissez pas aveugle. Est-ce que...